Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 152. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 1er mars 2009, 11h04, bonjour à toi, l'ami. Ce matin, dans Panique au Mangin Palace, avant tout, tu es fichtrement impressionné par le comeback de Président Chirac au Salon de l'Agriculture. Bah, j'en sors à peine, je suis resté 14 heures. J'avalais 4 poulets, 6 kilos de fromage, une cuisse de mouton, un dindon, le tout arrosé par 12 litres de bière. C'est un peu lourd à digérer. Et comment vous faites pour manger autant? Bah, c'est très simple, je vis dans ton pays, Nicolas. Je crève la dalle toute l'année et je me rattrape au salon. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, invariablement, nous commencerons par notre espiègle office laïque et freudien, durant lequel ce matin, nous nous intéresserons une nouvelle fois à la cinéphilie d'un leader politique, et aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait Monsieur Cinéma. Dans la foulée, direction Gros Boule, direction Porte de Versailles, pardon, où nous te dévoilerons les véritables coulisses du Salon de l'Agriculture, devenu un authentique défouloir depuis l'an passé. Ensuite, figure-toi que jeudi prochain, les lunettes et les sandales de Gandhi seront vendues aux enchères à New York. Eh bien, nous t'offrirons avec délectation la fascination de nos joyeux fantômes de l'INA devant ce fétichisme mercantile. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains, où, depuis que l'Europe veut imposer des OGM partout, la lutte fait rage entre Jean-Claude, soucieux de son corps, Monique affamée, et leur môme, partisan d'une alimentation biologique. Et puis, toute la semaine, notre facétieux reporter était au Brésil pour assister au carnaval, bien sûr, où il a fait une drôle de rencontre. Un spécialiste des platines géopolitiques, un certain monsieur Guetta. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et, pour lui sauver la vie, offre une Rolex à ta grand-mère, c'est sa fête aujourd'hui. September, ou Fructidor, c'est le mois qu'avaient choisi d'encenser, en 1978, les démiurges du groupe Earth, Wind and Fire, la terre, le vent et le feu, trois des éléments du Tout-Puissant qui nous aime tant. On avait oublié que Dieu, et c'est le vrai sens d'Agapé, nous aime sans condition et nous a aimés jusqu'à se faire homme comme nous. S'offrir, mourir comme nous. Ouais. Il est ressuscité d'entre les morts après avoir lui-même ressuscité pas mal de morts. Lazare et les autres. S'il était vraiment revenu de chez les morts, pourquoi nous a-t-il rien dit sur ce qui nous attendait là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui reste muet? Il n'a fait que ça, nous parler. Lis la Bible, Simon. La Bible? Pour lire la Bible, il faut croire. Moi, je veux savoir. Certes, sauf que prouver Dieu, cher monsieur, c'est le nier. La foi ne peut supporter la raison. Enfin bon, passons, puisque derrière moi, les cloches font un boucan d'enfer. Il est 11h11, c'est donc l'heure de te vautrer confortablement pour amorcer ensemble les modestes aventures laïques de ce 152e épisode du Mangin Palace. Et, comme l'exige notre malicieuse liturgie, débutons par notre petite session freudienne en compagnie de M. Divan Beaujolais, le fiefé sacripant de nos coursives, avec qui, une fois encore, nous avons concentré notre analyse sur l'inconscient de la cinéphilie chez nos leaders politiques. Et ce matin, après Roselyne Bachelot, place à Jean-Luc Mélenchon, toujours sénateur de l'Essonne et plus que jamais amateur de science-fiction. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Monsieur Mélenchon, bonjour. Bonjour. Le cinéma a-t-il été un jour une préoccupation pour vous? Une préoccupation, non. Je suis plutôt un homme de livres. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. Non, vraiment, c'est sympa. Mais que le cinéma ait été pour moi l'occasion de rencontres aussi importantes que celles que j'ai pu avoir avec des livres, oui, ça c'est sûr. Faut avancer avec prudence, c'est ça aussi qui est casse-couille. C'est des rencontres où on s'imbibe d'une histoire et tout d'un coup elle éclate en vous. La bouteille c'était pas la peine. Non, non, ça c'est ma consommation personnelle. Oui, elle vous apprend des choses sur vous-même. Bon, je vais prendre un exemple qui pour moi est important, c'est Blade Runner. Bon, je suis amateur de science-fiction et en particulier de Philip K. Dick. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Qui est l'auteur du roman qui a donné lieu à ce film. Le roman a un très beau titre dans la traduction française. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Faut que j'intervienne? Non. Nous pouvons apporter un démenti et si besoin est, nous interromprons ultérieurement. Bon, donc l'histoire Blade Runner est une histoire comme je les aime. C'est-à-dire qu'elle a son autonomie, elle a son décor, son ambiance. Elle vous prend par la main tout doucement. Regarde-moi, fais-moi voir tes yeux. Ben mon cochon. L'histoire a aussi une vocation allégorique, en l'occurrence, comment nous faisons pour échapper à la mort. Se faire arracher les baloches par un esquimau affamé, voilà une belle fin. C'est trop horrible. À vous entendre parler comme ça, Jean-Luc Mélenchon, j'ai l'impression que vous aimez bien l'allégorie, la mythologie. Quel film, à votre avis, relate le mieux une grande allégorie d'aujourd'hui moderne? J'aime beaucoup les histoires de démiurges. Un démiurge macabre, affreux, dans Apocalypse Now, mais fascinant. Bon, c'est lugubre, c'est triste, essayons, allons-y. Le visage de Marlon Brando sortant dans l'obscurité, on voit que son crâne rasé. Observez son visage, sans expression, avec un soupçon de tristesse. Celui d'un ivrogne qui a perdu un pari. C'est une allégorie puissante du démiurge. Attendez une seconde. Qui a créé un monde à l'intérieur d'un autre monde qu'il rejette et qu'en même temps il fait sien. Même quand c'est facile à comprendre, ils comprennent rien. Ça, c'est un versant. L'autre versant, plus guilleré dans sa forme, c'est ridicule. Ou là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a le monde a été donné, il est structuré, il vous donne le sentiment que vous y avez votre place, mais en même temps, sans arrêt, il vous la conteste. Bienvenue dans la réalité, gars. Il faut sans arrêt la regagner par quelque chose qui est assez nul, finalement. Hein. C'est l'esprit de courtisan. Alors, où sont passés tes admirateurs? Oh, ils se sont massacrés. Oh, c'en était. C'est quoi ce mot déjà? Tu sais, quand ça devient vraiment trop drôle. Le bon mot qui vous place, qui vous situe, qui est déjà en général assez destructeur. Ah oui, bah, drôlatique. dramatique. Non, non, c'est bien drôlatique. Pour des gens comme moi, c'est une allégorie très puissante qui évoque ma propre vie. En quoi ? Ben, parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour y être, mais j'ai la force et la liberté à tout moment de pouvoir jeter l'éponge. Jean-Luc Mélenchon, je vous remercie. Je crois que je me suis laissé emporter. Tu crois ? C'est ça, ouais. Je me suis laissé emporter. Eh ben tiens, voilà une pensée qui a sans doute fait écho cette semaine chez Nicolas Sarkozy. Lorsqu'il s'est souvenu de ses propos outranciers de l'an passé, lors de l'inauguration du Salon de l'agriculture, incontournable rendez-vous agricole, qui était à nouveau au cœur de l'actualité ces derniers jours. D'ailleurs, à l'occasion de cette nouvelle édition, Claude Guéant, la veille au soir, a suggéré à Nicolas Sarkozy primo de faire profil bas lors de sa visite officielle cette année, et peut-être même de présenter ensuite ses excuses. Mais bon, visiblement, ce n'était pas gagné. Avant de m'excuser, j'aurais comme signalé que le type du salon, là, c'est quand même un beau... Et si je le recroise, eh ben je le... Vous allez présenter vos excuses, ouais. Mange ta soupe, on m'a dit mange ta soupe. Mange ta soupe, tu sais pas ce que tu loupes. Oui, tais-toi et mange ta soupe, lui répond alors Claude Guéant, à la veille de l'inauguration de ce 46e salon de l'agriculture. Cela dit, M. Guéant était très inquiet, car il sentait bien, devant l'imminence de ce rendez-vous crucial avec les agriculteurs, que M. Sarkozy semblait encore fichtrement sur les nerfs. Du coup, vers 22h, afin d'éviter tout dérapage verbal le lendemain, Claude Guéant fit venir à l'Élysée un masseur professionnel pour détendre Nicolas. Et immédiatement, le type en question établit un diagnostic. Je te sens super tendu. Tu devrais faire un massage du sphinx. Du quoi ? Du sphinx. T'as travaillé sur la colonne, tu vois. Sur le plexus solaire, c'est... ça ouvre tes chakras, ça libère tes énergies. Tu verras. Non, mais ça va, là. Je me sens déjà beaucoup mieux. Ben, si t'as besoin, tu peux venir me voir. À plus tard. À plus tard. Massage du sphinx, je le vois venir avec son string. Il est vraiment cool comme mec. Toi, t'as vu comment il nous parle ? On se croirait au Mandarome. Mais c'est normal, c'est un beatnik. Et qu'il essaye de me beatniker, je lui expose son karma. Non, pour Nicolas, hors de question de se faire tripoter le sphinx. Certes, il était un peu nerveux à l'idée de recroiser les agriculteurs le lendemain, mais bon, ce n'est pas un gamin non plus. Et il a bien compris, notre président, qu'il était essentiel cette année de rattraper les effets désastreux de ces insultes de l'an passé. C'est pourquoi, dès leur arrivée sur le parking Porte de Versailles samedi matin, Claude Guéant et M. Sarkozy furent très courtois, voire contrits. Résultat, ils furent très bien accueillis par les agriculteurs. Pardon, on est vraiment désolé. Connard ! On est vraiment désolé. Attention, non ? Mais où tu te crois, connard ? Tu sais conduire ou quoi ? Pauvre con ! Pardon, monsieur, je suis désolé. Connard ! J'étais en train de discuter. Mais tu te crois où, pauvre con ? J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur. Connard ! Je crois que là, ça va. Il a rien, le rétroviseur. Mais tu sais conduire ou quoi, pauvre con ? Vraiment, je vous demande pardon. Je vous prie de m'excuser. Connard ! Ah, ben oui. Joli comité d'accueil, car forcément, les paysans, eux, n'avaient pas oublié cet épisode d'humiliation dont ils furent victimes l'an passé. Alors bien sûr, vu le passif, M. Sarkozy n'a pas souhaité porter plainte pour outrage, car il est interdit, bien sûr, d'insulter le chef de l'État, fort heureusement. Mais bon, vu que l'année dernière, il n'a pas franchement donné l'exemple, il a préféré passer l'éponge cette fois-ci. Dans la foulée, M. Sarkozy a alors débuté sa sympathique tournée des stands régionaux. Cela dit, très vite, Nicolas a constaté qu'il y avait là un étrange visiteur, un vétérinaire, paraît-il, qui semblait lui faire de l'ombre au moment même où notre président faisait la promotion du monde agricole. Mais je veux dire à tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture qu'il y a de l'avenir, qu'ils peuvent croire dans leur métier, qu'ils ont raison d'être passionnés par ce métier. Ce sont des excellents commerciales, et puis ce sont nos territoires qui continuent à vivre. On est content de vous voir. Merci de votre accueil. Toujours un plaisir. Ça, c'est gentil, mais on a la votre popularité. C'est pas moi qui suis populaire, c'est l'agriculture. Allô ? Allô ? C'est la Noire Rose. Je voudrais parler au vétérinaire. Ne quittez pas, je vous le passe. Jacques, Jaco. C'est un mangeur de tête de veau. S'il passe par là, il mangera un bout de saucisson avec nous. Bonjour, la noire. Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Docteur. J'ai toujours été un buveur de bière. Je voudrais être une biche. Pas possible, la Noiraude. Pourquoi une biche ? Pour être peinte dans les tableaux. Il n'y a jamais de vache dans les tableaux. C'est pas juste. Nous sommes bonnes pour être sur les boîtes de camembert. Nous, les vaches. On dit toujours, tu as des beaux yeux de biche. On ne dit jamais, tu as de beaux yeux de vache. Dites, la Noiraude, vous savez qu'il existe des tableaux où vous êtes représentés ? Où sont-ils exposés ? Dans les boucheries. Je suis végétarienne. Oui, au cœur du salon de l'agriculture, il y avait là un homme qui murmurait à l'oreille des vaches. Un grand type bizarre dont les mimiques n'étaient pas étrangères à Nicolas Sarkozy, qui ne parvenait pas cependant à mettre un nom sur ce visage apparemment dissimulé derrière une fausse barbe et une perruque. C'est alors que le cortège présidentiel arriva devant le stand de la Normandie. Et là, rebelote, ce grand type bizarre entouré des paysans normands accueillir drôlement notre paysan, notre président. Les vaches ne sont pas dans les prés, on en trouve dans la société. Toutes les vaches ne sont pas à l'étable et c'est regrettable, tout irait bien mieux. Là, immédiatement, tiens-toi bien. Derrière cette barbe postiche, Nicolas Sarkozy en était maintenant persuadé. C'est président Chirac venu semer la zone sur son passage, dans l'espoir sans doute qu'il dérape. Oh là, très vite, Claude Guéant tenta alors de ramener Nicolas à la raison, car ce salon le rend assurément paranoïaque et il ne fallait surtout pas créer ici un nouvel esclandre. Bon, Nicolas se ressaisit et acheva paisiblement sa visite. Ça, c'est la version officielle. Néanmoins, le soir même, Nicolas restait persuadé que Chirac s'était pointé déguisé juste pour l'emmerder. Averti en milieu de semaine de cette curieuse accusation, président Chirac, bien sûr, a essayé de réagir, conseillé par son entourage. On ne publie pas de démenti ? Un démenti, c'est une rumeur confirmée. Je ne vous l'apprends pas tout de même. Bon, je vais faire une télé très vite. Ardisson ? Non, plus familial. Drucker ? Drucker, c'est ça. Drucker. Voilà, Philippe Drucker, très bien. Ah non. Bernard Drucker. Michel. C'est Michel ? Oui, c'est Michel. C'est Michel Drucker. Michel Drucker. Michel Drucker. Très bien, voilà, Drucker quoi, voilà. Il s'appelle Michel ? Oui, Michel Drucker. Oui, c'est bien Michel Drucker. Et tu es sans doute au courant, mais aujourd'hui, en fin d'après-midi, figure-toi que président Chirac va bel et bien s'exprimer chez tonton Drucker, soi-disant pour rendre un hommage à Vincent Lindon. Mais t'as qu'à croire, la panique au Morgin Palace va donc te révéler ce matin, en exclusivité, les véritables propos que tiendra tout à l'heure président Chirac. J'ai écouté les revendications du monde agricole et j'ai ici une liste de ce qu'il demande au président de la République. On vous écoute. Alors, comme revendication, j'ai en un Sarkozy démission. De 2 à 15, Sarkozy va-t'en. Et de 16 à 6500, Jaco revient, on n'en peut plus du petit. Eh ben, ça sent le soufre, et nous ne manquerons pas de suivre l'ouverture des journaux de 20h ce soir qui, à coup sûr, relayeront cette véritable information. Pour finir, il ne faudrait pas oublier que le salon de l'agriculture a vu cette année défiler tout le gratin politique. Campagne électorale oblige, bien sûr, les européennes approchent. Encore que, François Fillon, par exemple, s'est étonné cette semaine de ne pas y avoir recroisé Jean-François Copé. Bah alors, tu viens plus aux soirées ? Bah non, j'ai pas le temps. C'est dommage, t'as tout raté, on a fait une soirée salon de l'agriculture. Je peux te dire comment enfourcher et que j'ai meuglé. shine. Kind of sky, destiny, deal, dum, deal, dum, deal, dee. Roll, rock around you, roll. The Whole Moon's Low, Lonely Drifter Karen, nous offre ce matin une étrange histoire de hibou qui gémit. Car quand gémit le lait sur le feu hibou, comme Danny Boone sur la scène des Césars. Nous allons maintenant remettre le César du premier film. Le premier film, c'est toujours un... Non, lâchez-moi, je vous dis, laissez-moi passer, je vais en parler, lâchez-moi. Eh bien, bienvenue au César. Bienvenue au César. Que nouveau cette... J'étais chez moi devant la télé. Et, bon, je voudrais dire toute la vérité sur cette polémique. Il y a une vérité, voilà. Sérieusement, pardon, mais en fait, c'est mon conseiller en communication qui m'a monté le bourrichon. Jacques Séguéla qui m'a dit, si à 40 ans, t'as pas un César, c'est que t'as raté ta vie. Alors maintenant, après avoir revisité l'escapade de nos politiques au salon de l'agriculture, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h26 sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache que jeudi prochain aura lieu à New York une vente aux enchères qui, sans battre les records de la collection Berger Saint-Laurent, ne devrait pas passer inaperçue, puisqu'elle concerne directement la mémoire de près d'un quart des habitants de la planète. En effet, plusieurs objets ayant appartenu au Mahatma Gandhi seront mis en vente. Ses sandales, une montre, une assiette, un bol et surtout sa célèbre paire de petites lunettes rondes. Et justement, ces lunettes ont beaucoup intrigué les voix des fantômes qui peuplent les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Alors écoutons attentivement l'étrange récit de notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous avons été importunés. Jeudi soir, un collectionneur de curiosités est venu nous interroger. Il se demandait lequel des objets de Gandhi il devait acheter pour percer le secret du maître. Jean Pézieux, Romain Roland et les frères Gall ont répondu tous en même temps. Le regard malicieux derrière les lunettes cerclées de métal, la bouche mince, animée d'un sourire énigmatique. De tranquilles yeux sombres. Il était assis en tailleur sur son lit. Son lit, c'était un cadre de bois posé sur quatre pieds. Au sommier fait d'un filet de cordes de fibres de cocotier tressées. Et il nous regardait derrière ses lunettes de fer. À part le lit, l'ameublement se composait d'une table. Sur la table, une grosse montre au verre cassé. Agacé par ce fétichisme mercantile, Samy Simon s'est levé. Je surprendrai sans doute bien des gens, et peut-être porterai-je atteinte à cette image idéale, en vous disant que Gandhi était dans les dernières années de sa vie non pas une sorte d'asset décharné aux joues creuses, mais un petit vieillard grassouillet, étonnamment robuste et à l'épiderme extraordinairement rose. Et cet homme, toujours vêtu du dhoti traditionnel et qui avait pris pour symbole le rouet rustique des ancêtres, ne dédaignait pas d'user des commodités du monde moderne, voyageant en avion et dans ses réunions publiques, usant du micro avec aisance. C'est d'ailleurs grâce au micro que je vais pouvoir aujourd'hui faire mieux qu'évoquer simplement sa mémoire, mais vous le restituer un court instant dans sa réalité physique. Tu auras peur. Tu auras peur. Gandhi parle en anglais et il s'adresse dans ce passage à son vaste public pour s'assurer que sa voix porte bien. Do listen. All right. Well, if my voice doesn't carry, it won't be my fault. It will be the fault of the loudspeaker. Le rire était provoqué par le fait que Gandhi disait « Si vous ne m'entendez pas, ce ne sera pas de ma faute, ce sera la faute du haut-parleur. » Elanza del Vasto, disciple fidèle, était d'accord. Aucun objet ne vaudra jamais la parole de Gandhi. « Je vous conseille fortement, me dit-il dès l'abord, de vous donner à faire avec les mains. Nul homme n'est par nature dispensé du travail de ses mains. même celui qui se voue aux travaux incomparablement supérieurs de l'esprit n'en est pas dispensé, à moins qu'il ne renonce à tout ce qui a coûté de la peine en ce bas monde. S'il s'en dispense et ne renonce pas, il charge les autres de sa peine et reste en dette envers eux. Craignez d'être sublime sans profondeur, grand sans point d'appui et parfait dans le vide. Monsieur Gall avait aussi une histoire à raconter. Je me souviens, la première prière à laquelle nous avons assisté, il commença par analyser la révolution industrielle britannique à la fin du 19e siècle. Soudain, il s'interrompit et il dit « Au fait, on m'a donné une bonne recette pour faire des confitures en économisant du sucre. La voici. » Et il donna la recette, expliquant que l'Inde manquait de sucre et que les importations coûtaient cher, qu'il fallait donc l'économiser. Je me souviendrai toute ma vie de cette image insolite, le Mahatma Gandhi donnant aux hindous une recette pour faire des confitures. Mais le collectionneur se fichait des histoires. Il n'écoutait pas, il réfléchissait. Et soudain, un détail lui revint en mémoire. Et il nous regardait derrière ses lunettes de fer. Ça y est, il avait compris le secret de Gandhi. Tenez, voilà. Regardez. Je ne l'invente pas. Les lunettes pour voir tout nu, ça existe quand même. Quand je pense aux milliers de malheureux qui se font avoir tous les jours, ça me révolte. Le regard malicieux derrière les lunettes cerclées de métal. Les lunettes pour voir tout nu, ça existe. La bouche mince, animée d'un sourire énigmatique. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette nouvelle exploration poético-burlesque au cœur de l'inattendu qui nous a révélé le secret des lunettes de M. Gandhi. Un sujet au poil et à poil. D'ailleurs, il est maintenant temps pour nous de déshabiller nos actualités locales et foutraques, car il est l'heure de notre décrochage régional, direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Maman, Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h32, rejoignons notre fantasque petit village fleuri où nous attendent Jean-Claude l'amour et Monique le risque, car cette semaine, nos deux héros ont été confrontés à de terribles interrogations autour de leur régime alimentaire. Tout a commencé la semaine dernière quand Jean-Claude, après avoir déjeuné avec ses collègues, est rentré au bureau. Ça va pas du tout, moi. Il y a un truc qui passe pas, là. Ça peut pas être les œufs mayo. Non, j'en mange tous les jours, ça peut pas être ça. Ça peut pas être la langue de bœuf. Non, ils la font très bien à la cantine. Elle est excellente. Oh, merde, qu'est-ce que ça peut être? Oh non, je m'inquiète, c'est sûr, je suis pas bien du tout, là. Qu'est-ce qui m'arrive, bon sang? Ou alors, ça y est, c'est la gastro. Mais ouais, évidemment, ils l'ont tous chopé dans le service. Et voilà, un week-end de foutu. Oh, flûte, ça tombe mal, mince. Juste le week-end où je devais emmener Flunchy, la stagiaire de la compta. En plus, je connais le mec qui fait Flunchy, elle aurait été bluffée, mince. Ou alors, attends, pas de panique, je suis peut-être pas malade, c'est peut-être pas une gastro, c'est peut-être simplement le baba au rhum du self qui me pèse un peu, c'est tout. Y a pas de quoi flipper. Mais ouais, c'est ça. C'est juste le baba au rhum. Dans 2 heures, c'est fini. Pense à autre chose. Tiens, concentre-toi sur tes dossiers. Allez, c'est juste un petit problème de digestion, c'est pas grave, c'est pas une gastro. Mais Jean-Claude a eu beau se concentrer sur ses dossiers, 2 heures plus tard, son état de santé ne s'était toujours pas amélioré. Bon, nous, dimanche dernier, on a préféré ne pas t'en parler car on ne voulait pas t'inquiéter. Seulement voilà, lundi, Jean-Claude a reçu les résultats de la prise de sang demandée par son médecin. Enfin, reçu les résultats, c'est vite dit. Ils vous ont pas téléphoné les résultats au laboratoire ? Non. C'est pas normal ? Non, c'est pas normal. Alors ? Parce que la dernière fois, vous m'aviez affolé, docteur. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, rien. Si, si, pourquoi vous avez fait ? Monsieur ? Vous voulez téléphoner chez la vallée pour leur demander s'ils se sont pas trompés pour les triglycérides et le cholestérol de monsieur. Parce que si c'est ça, moi. Triglycérides et cholestérol ? Eh bien, c'en est fini pour Jean-Claude des œufs mayonnaise, de la langue de bœuf et des baba au rhum tous les midis. Alors, pour éviter que ses collègues ne l'entraînent dans les abîmes savoureux de la grosse bouffe, Jean-Claude choisit dorénavant scrupuleusement avec qui il va déjeuner. Regarde, par exemple, l'influence du stress sur le développement des maladies. C'est une chose que la médecine occidentale commence tout juste à admettre, alors que c'est la base même de la médecine ayurvédique. Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a plein de maladies que la médecine n'arrive pas à soigner. Ah, bah, faudrait absolument que tu lises le livre de Baba Tribhuna, alors. C'est le médecin du centre dans lequel j'ai été. Les gens viennent du monde entier pour le voir. Et moi, il a changé ma vie. Ah oui? C'est une secte, quoi. Mais non, c'est une vraie médecine. Un jour, il y a un journaliste qui s'est chopé une dermite rampante dans les rizières. Baba Tribhuna l'a soigné. En 48 heures, il n'y a plus une trace. Et c'est quoi une dermite rampante, en fait? C'est une mouche qui vient pondre ses œufs sous ta peau, juste après avoir piqué un cochon. Ensuite, les œufs font des vers, et ça commence à se balader partout, genre comme une super gale. Et la peau commence à se nécroser, faire des croûtes. Intéressant, hein, quand même. Là, je dis ça parce qu'il passe son temps chez le médecin. Arrête, ça va. Mais quoi? Mais attends, c'est vrai, c'est pas grave. T'es hypochondriaque. Il est pas hypo, il est hyperchondriaque. Hyperchondriaque. Peu importe. Jean-Claude a décidé d'imposer à toute sa famille un régime hyper hypocalorique et le soir même, il expose à Monique, à Rémi et à Elsa sa nouvelle doctrine alimentaire. Quand on mange froid, on sent le froid, pas le goût. Quand on mange chaud, on sent le chaud, pas le goût. Quand c'est dur, on sent le dur, pas le goût. Quand c'est liquide, on sent le liquide, pas le goût. Donc, il faut manger tiède et mou. Il faut donc manger tiède et mou. Eh ben, ça promet, dit Monique, qui, évidemment, préfère chaud et dur. Pourtant, toute la famille s'adapte aux désirs alimentaires du Jean-Claude, ce qui provoque étonnamment un profond changement dans l'ambiance familiale au moment du repas. Ton assiette, s'il te plaît? Pas beaucoup. C'est du phosphore. Pourquoi? Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter les mailles de tes dents. Ah, d'accord. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. C'est lundi, c'est ravioli. D'accord. Et le mardi, c'est spaghetti. Le mercredi, c'est cannelloni. Le jeudi, c'est tortellini. Mais pour le vendredi, Jean-Claude souligne un véritable problème. Le vendredi, c'est le jour des sardines. Et nous, on préfère vomir des raviolis. Dans les raviolis, il y a du bœuf avec sa camisole, des tomates qu'on n'a jamais vu le jour, tout ce qui traîne au fond de la casserole, dans la poubelle et par terre dans la cour. Il y a des raviolis violets, il y a des raviolis violents, il y a des raviolis au lit et des vieux raviolis. Des vieux raviolis, un jeu de mollets digne de Garincha. Ainsi donc, Jean-Claude est chargé de cholestérol et il impose à Monique un régime restrictif. Et ça, Monique a tout de même beaucoup de mal à le vivre. Pourtant, pour la santé de son Jean-Claude, elle se prive. En revanche, chaque midi avec ses collègues, Monique ne se prive pas de raconter ses malheurs. D'ailleurs, beaucoup avaient déjà remarqué que quelque chose avait changé. T'étais si drôle, t'en souviens-tu, avant qu'il te colle toujours au cul. Moi j'en ai marre de te voir souffrir pour ce ringard en gilet de cuir. Oublie-le vite, oublie ce type, viens, goûte mes frites. Et voilà, Monique a craqué, elle a goûté aux frites malgré sa promesse faite au Jean-Claude de limiter sa consommation d'aliments saturés de matières grasses. Mais comme elle est honnête, Monique avoue tout. Mon amour, j'ai grossi, j'ai voulu prendre quelques grammes de bonheur, mais j'ai pris des kilos et suis tout en sueur, j'ai pris des kilos, suis devenue une grosse fleur, à force d'attendre ton retour, d'ailleurs tu n'es jamais parti, oh je m'invente des histoires d'amour, je me gave de pâtisserie. Un gavage de pâtisserie? Rien qu'à imaginer la chose, Jean-Claude manque de défaillir et décide de mettre fin sur le champ à ses bonnes résolutions alimentaires. Et pour fêter le retour de la bouffe grasse, il organise aussitôt un gueuleton avec quelques amis. Bien entendu, on pourrait s'attendre ici à la fin de l'histoire, mais ce serait sans compter sur l'intervention de Rémi et d'Elsa, à la plus grande surprise de Monique. Voilà, les spaghettis sont en route, c'est incroyable, je comprends pas ce qui a bien pu se passer. Qu'est-ce que c'est que cette marmite? C'est une marmite de riz complet. On en a assez des repas pourris que vous nous faites bouffer depuis des années. Alors, à partir de maintenant, dès qu'on verra un aliment malsain dans cette maison, on jettera la poubelle. Mais vous êtes complètement fous, c'est vous qui avez volé le repas? Mais on l'a pas volé, on l'a jeté à la poubelle. Vous avez jeté le repas à la poubelle? On a jeté le foie gras, parce que c'est le foie malade et toxique d'un animal qu'on a torturé. On a jeté la côte de bœuf, parce que les bœufs, ils sont piqués aux antibiotiques et aux hormones, et qu'ils mangent que des pilules chimiques. On a jeté tous les alcools, parce qu'on supporte plus les fins de repas où tout le monde dit des âneries, dit les conducteurs avec les yeux pas en face des trous. On a acheté le gâteau parce qu'il contient que des sucres, des graisses et des microbes, une vraie usine à caries. Si vous voulez mourir à 50 ans de sclérose en plaques, de cancer ou de crise cardiaque, c'est votre problème. Mais nous, on ne mangera plus comme ça parce qu'on veut pas vivre comme des bêtes malades. On veut vivre longtemps et en bonne santé. Mais vous êtes complètement, complètement fou. Je suis désolée pour tout ça, excusez-nous. Bien, je crois que nous avons tous beaucoup apprécié ta petite sortie écologiste. Mais maintenant, nous aimerions bien passer à table, n'est-ce pas? Ah non, parce que je viens de jeter les spaghettis à la poubelle. Tu montes dans ta chambre immédiatement. Je t'emmerde, vieux con. Ça suffit maintenant. Dans vos chambres, tous les deux. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h41, après avoir découvert les déboires et les démangeaisons de Jean-Claude et Monique à propos de la bouffe, il est l'heure désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin à une étrange rencontre brésilienne. Vois-tu, dimanche dernier, notre facétieux reporter, Monsieur Julien Dugast, a pris l'avion à l'aéroport de Roissy, direction Rio, pour nous faire vivre les festivités du légendaire carnaval. Au passage, sache qu'il nous a pris quelques photos de Copacabana, consultables ce matin sur le site internet de La Panique. Et figure-toi que mardi soir, le reporter du Mangin Palace était à Salvador de Bahia, au milieu d'une gigantesque foule déguisée, plus de 2 millions de personnes dans les rues, dis donc. C'est alors qu'il a fait une drôle de rencontre, un spécialiste des platines géopolitiques, un certain monsieur Guetta. Notre Bernard danserait-il la samba? Ainsi, juste après la virgule, découvrons qui est réellement ce monsieur Guetta qui squatte les chars à Salvador de Bahia. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Est-ce que tu peux m'expliquer déjà où on est? Alors on est à Salvador de Bahia, donc au Brésil. Je viens de jouer pour le carnaval, sur un char pour le défilé, donc c'était assez extraordinaire. Ce qui est intéressant avec le Brésil, c'est qu'effectivement, il y a en même temps une très grosse culture avec des racines très fortes, musicalement. Et en même temps, ils sont vachement tournés vers les musiques modernes. Ben, moi, ma musique a toujours bien marché ici au Brésil, mes productions, je veux dire. Et puis en tant que DJ, ben, ça fait plusieurs années que je viens et j'ai construit une image et puis une popularité. Parce que ben, au début, je jouais dans des clubs pour 500 personnes, et puis 1000, et puis 5000, et puis 10 000, et puis maintenant 2 millions, voilà. Ça se construit petit à petit, hein, ça se fait pas en 5 minutes quand même. Parce que le Brésil, c'est un pays extraordinaire, c'est un pays très jeune. Aujourd'hui même, j'ai visité l'église de Notre-Dame. Quand cette église était déjà prête, le Brésil n'était pas encore découvert. Vous pensez, c'est un pays nouveau, il a des possibilités immenses. Quand tu as des millions de personnes qui reprennent l'un de tes morceaux, comme hier soir, est-ce qu'on a la grosse tête? Non, moi je crois pas. Je crois pas avoir la grosse tête. Par contre, t'as le gros cœur, quoi. Parce que... C'est tu reçois beaucoup d'amour, hein. donc effectivement, on peut être accro à ça. T'es loin du quotidien de certains Français. Je vais être très très honnête, ces derniers mois, je me suis vraiment mis dans une bulle pour faire mon album. Donc je sais que c'est pas bien, mais j'ai pas suivi les infos, j'ai pas lu les journaux, j'ai pas regardé la télé, j'ai fait que de la musique, que de la musique, que de la musique. Donc effectivement, je suis un peu dans une bulle en ce moment, mais sinon, d'une manière générale, bien sûr, je sais ce qui se passe. Et oui, je prends l'avion presque tous les matins, mais j'ai pris le métro pendant des années, donc je me rappelle quand même comment ça fait. Autour de quelques percussionnistes d'occasion, mais tous très habiles, batucando soit une grosse caisse, un tambour, un tambourin, un recu-recu, un triangle, ou même un poêle à frire, se forme un bloc non costumé, le plus souvent même, d'aspect misérable, et tout le monde s'en va par les rues, chantant les musiques à succès, sambando et rebolando, prenant d'assaut les tramways et interrompant souvent la circulation. Mais personne s'inquiète, c'est le carnaval. Est-ce que tu peux me dire un truc en portugais ou pas ? En portugais, rien du tout. En fait, quand ils parlent pas anglais, je parle espagnol et ils comprennent. Mais donc en portugais, à part obrigado, c'est tout ce que je sais dire. Bah, brigado, monsieur Guetta. Salut. Bon, alors évidemment, ce monsieur Guetta n'est pas Bernard... Mais David, bien sûr, l'un des DJ les plus célèbres au monde et le seul français invité à mixer ses disques toute la nuit durant le carnaval brésilien devant plus de 2 millions de personnes. Une vraie star au Brésil. Cela dit, David Guetta ne doit jamais oublier qu'il n'est pas le premier français à avoir rencontré la gloire au Brésil en tant que DJ. Souviens-toi, c'était en octobre 1964. Ce qu'il adviendra de votre pays et ce qu'il adviendra de vous-même intéresse au premier chef le peuple français. Pourquoi ? D'abord en raison de l'amitié plus que séculaire qui nous lie par-dessus l'océan. Et puis aussi parce que la France considère que le destin de l'Amérique latine et spécialement celui du Brésil sont des éléments décisifs dans le progrès général et l'équilibre mondial et par conséquent dans la paix. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique, il nous les faut. Un incendie là-bas fait rage et le ciel est noir de fumée. Et tous les gens dans les étages se disent mais que font les pompiers? Il n'y a plus de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Bien dans cette la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique, il nous les faut. Au petit matin, on le devine, le quartier avait brûlé. Il ne restait plus que des ruines sur les centaines de mètres carrés. Quand tout à coup, dans le jour blême, on vit à courir un pompier. Qui s'écria, je viens de la barre du capitaine pour dire de ne pas vous énerver. On a retrouvé les tuyaux. Mais on n'est pas de l'auto et on cherche la manière. L'incendie à Rio, c'est Sacha Distel, un très bel homme de Rio, tout comme le fut Bébel également, car à bien y réfléchir, on n'a jamais d'homme de Riolais. Pour le Riolais, il vous faut du riz rond, du lait, du sucre, une casserole et un peu d'eau. Pourquoi de l'eau ? Alors maintenant, à 11h50, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici sévèrement présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh bien cette semaine, la presse traite évidemment beaucoup des Césars. Mm-hmm. Hein, vendredi, c'était la 34e cérémonie. C'est la belle fête du cinéma, c'est merveilleux, tout le monde s'aime. Alors le gros problème pour les hebdos qui sortent le jeudi, c'est d'en parler. Ouais, bah, s'ils n'ont pas le palmarès. Alors, bon, il y a les incontournables articles là, sur la préparation, les coulisses des Césars sur Danny Boone. Ah, c'était merveilleux là, en ce moment. Mais l'hebdomadaire Marianne a trouvé la parade. Ouais, Marianne a fait sa une avec un titre formidable, « Le petit César, providence des clowns ». Oui, alors évidemment, après Napoléon Ier, après Napoléon III, il fallait bien que l'on compare notre président à Jules César. Alors cet article de Marianne souligne surtout le renouveau de l'humour politique, hein, qui avait connu une éclipse depuis la mort de Coluche, des proches, le Luron. Alors, l'article explique que pendant une décennie, ce sont nos petits tracas quotidiens qui ont fait rire. Vous vous souvenez, tous ces trucs autour de la difficulté d'une femme à lire une carte, l'inaptitude des hommes à exprimer leurs sentiments. Alors qu'aujourd'hui, c'est super, avec Nicolas Sarkozy, on peut rire des difficultés de notre président à lire la carte de la crise, son inaptitude à comprendre le sentiment de détresse sociale. Merci Monsieur Sarkozy de nous donner du boulot. Alors pourquoi ce renouveau de l'humour politique ? Eh bien Marianne, après Bergson, nous rappelle que le rire cherche à combler un mal-être. C'est un phénomène qu'on connaît bien, c'est très classique en période de crise. Par exemple, comme Blagounette dans la Pologne de Jaruzelski, on avait ceci. Une femme entre dans un magasin et demande s'il y a de la viande. Le commerçant répond « Non, ici c'est le magasin sans beurre. Le magasin sans viande, c'est en face. » Voilà, bonne blague. Donc voilà, d'après Marianne, Nicolas Sarkozy a su lier césarisme et comédie. C'est parfait. La blague, on va en faire une par semaine. On va essayer. Alors, Philippe, vous allez me dire, agiter Jules César pour titiller Nicolas Sarkozy, ça, c'est bien un truc de journal gauchiste. Bah oui. J'ai trouvé quelque chose de très intriguant dans Valeurs Actuelles du 26 février. Bon, là, on est loin du gauchisme. Oh là, d'un coup, on est très, très loin. Alors, il s'agit d'une très belle publicité. Je vous la montre, hein, tenez, alors, voilà, une pleine page qui propose pour la modique somme de 8,45€ une superbe figurine très décorative. Magnifique. En étain doré à la main, une dizaine de centimètres de haut représentant Jules César à cheval. Oui. C'est magnifique. Bon, Philippe, je ne suis pas là pour juger de la qualité artistique de cet objet, assez vilain, très bling bling. C'est vrai que c'est moche. Hein. On dirait hortefeux en toge. Alors, bon, il nous le présente comme... une charmante figurine dans la grande tradition des soldats de plomb, avec, sous le socle, une passionnante notice historique. Ah oui, je le vois là. Oui. Alors voilà, donc une chape de plomb avec une notice historique sous le socle, c'est un beau symbole du césarisme. Hein. Je trouve ça parfait. Bon, ce qui est très troublant, c'est ce rappel incessant à César dans la presse cette semaine. C'est peut-être une diversion pour faire oublier les comparaisons avec les Bonaparte. Mmh. Alors le souci... c'est qu'un grand biographe de Jules César n'est autre que Napoléon III. Le césarisme, je vous dis, on retombe toujours là-dessus. Alors, ces rappels de l'Antiquité trouvent un écho dans le quotidien La Croix, de jeudi dernier. Dans la rubrique « Livres et idées », on a la recension d'un ouvrage de Michel Foucault qui vient de paraître, « Le courage de la vérité, le mais gouvernement de soi et des autres. Oui, en fait, effectivement, il s'agit du dernier cours au Collège de France donné en 1984 par Michel Foucault, qui était déjà très malade. Et dans cet ouvrage, Foucault s'intéresse, entre autres, à la parésia dans l'Antiquité. La parésia, c'est le franc-parler. Alors, l'interrogation de sa réflexion, c'est le franc-parler ne risque-t-il pas de bouleverser l'ordre de la cité ? D'actualité, tout ça. Alors, Foucault cite Aristote qui répond négativement à cette question. Non, le franc-parler ne va pas bouleverser l'ordre de la cité. Mais Aristote rajoute que certains gouvernants utilisent le franc-parler pour le bien commun et d'autres pour leur intérêt personnel. Bon, chacun se fera sa petite opinion. Bravo, je livre Aristote. Bon, voilà. Alors, le dernier cours de Michel Foucault au Collège de France fut interrompu par la mort du philosophe, justement quand l'étude allait porter sur le franc-parler dans le christianisme. Ah, c'est ballot. Alors, Lacroix conclut par cette idée charmante et pleine d'espoir. Foucault aurait-il fini par adhérer au christianisme ? Ouais, allez, on y va ! C'est un peu direct. Bon, au moins, ça évite, ça permet même surtout d'esquiver l'analyse que Foucault fait du christianisme moralisateur, qui pousse à l'aveugle, c'est ce mécanisme de pouvoir pour brider le plaisir. Donc, bon, voilà, vous allez me dire, oui, Philippe, je vous vois, vous allez me dire, les cathos cette semaine avaient des choses plus importantes à penser. Oui. Ben oui, parce que c'est l'agence de presse catholique Ecclesia qui nous apprend ça jeudi dernier à Famalicão, au nord du Portugal. La Pologne a remporté pour la deuxième fois consécutive le tournoi européen de football en salle pour prêtres. Oula. Oui, ça existe, c'est énorme, c'est le Champions Clerum. Et les curetons polonais ont battu leurs adversaires portugais 2-0. Bravo, à la Pologne. Bravo à la Pologne. Voilà. Alors, bon, justement, les Polonais sont encore à l'honneur dans la presse. C'est dans l'Irish Times qui nous raconte ça. C'est une histoire absolument étrange en Irlande. Un immigré polonais qui s'appelle Prawo Jazdy, qui a accumulé une cinquantaine de contraventions routières. Alors, le gros souci, c'est que ce personnage, personne n'arrive à le trouver. La police le cherche, évidemment, et il donne sans arrêt des fausses adresses. On a plein d'adresses pour ce Prawo Jazdy. Voilà, un policier irlandais un peu plus malin que les autres a eu cette idée géniale de chercher Prawo Jazdy dans le dictionnaire. Parce que Prawo Jazdy, ça veut tout simplement dire permis de conduire en polonais. Permis de conduire. Et oui, les policiers, en contrôlant les papiers lors des infractions, ont confondu le nom de l'automobiliste. Ils ont relevé la mention permis de conduire, c'est écrit en haut à droite. Bon, alors vous voyez, Philippe, les policiers croyaient chercher un terrible chauffard. Or, comme Jules César le dit dans ses commentaires de la guerre civile, les hommes croient ce qu'ils désirent. Et d'ailleurs, cette semaine, à Rome, au sommet franco-italien, chez un autre centurion trublion, Nicolas Sarkozy déclarait à propos du scandale Pérol, le secrétaire adjoint de l'Élysée devenu patron de banque, la commission déontologie s'est réunie à donner son accord. Eh ben non, c'est faux, c'est un mensonge. Et c'est peut-être là où réside le césarisme. Les hommes croient ce qu'ils désirent, à nous de pas tout gober. Merci, monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 152e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin Jérôme Chélius, doublure officielle d'Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Jérôme, assisté aujourd'hui à la technique de Lidwin Caron et d'Antoine Viossa. Merci beaucoup à vous trois, c'était parfait. Je dois remercier aussi Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet, Marie Berthoumieux, Thierry Dupin, Olivier Lefayère et les documentalistes de Lina. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour la tête de son crumble. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve le week-end prochain. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.